Le comité préparatoire national roumain et les comités préparatoires français et péruviens pour célébrer la journée du soleil vient d'être constitué. Les comités ont décidé de présenter largement la vie révolutionnaire sacrée et les exploits immortels du président Kim Il-sung à travers les masses médias et d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles à l'occasion de son jour anniversaire. Par ailleurs, la cérémonie de constitution du comité préparatoire national béninois pour le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung a eu lieu à Cotonou.